je traîne avec mes niggas. Je sais que tu m'attends. Tu sais que je suis passionné par la money. J'ai des liasses de billets dans le sang. Pourquoi se déchirer pour si peu? Tu te fais du mauvais sang. Je te mets à l'aise, t'as une jolie vie. Malgré ça, tu me fais la leçon. C'est comme ça que j'ai grandi. Malgré mes efforts, j'adore braver les interdits. Ce n'est pas de ma faute, comment? Girl, comment? Tout ce que je t'avais promis. Maison sur la colline, tous tes caprices, je réalise. Une vie d'adrénaline, avec toi. À la fin de ce mois, on ira où tu voudras. On s'est connus en chaîne, à ma vie j'avais si peu. Je passais tout mon temps dans les strip clubs. Je sais que ta famille n'aime pas trop les bandits. Je n'ai pas de limites, ils t'ont déjà dit. De me quitter, mais qui saura mieux que moi te faire aimer laver. Allongé dans mon lit, t'avais pas besoin d'aver. N'aie pas mal de prison, je suis un négro libre au fond de l'âme. Pourquoi tu paniques, pourquoi tu parles de drame? Jamais ces policiers ne sauront me condamner. T'as juré de m'épauler dans le meilleur et le pire. Tu me dis que tu sauras me rendre heureux. Je serai tranquille avec mes millions. On ira où tu voudras. J'ai la vie devant moi, je vais mourir avec toi. À la fin de ce mois, on ira où tu voudras. J'ai la vie devant moi, je vais mourir avec toi. À la fin de ce mois, on ira où tu voudras.